R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. And R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marche! Ah! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Bienvenue sur Érigé, la radio de John Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Érigé 90.7 sur Bordeaux et aussi sur le internet www.erigfm.fr. Et on se retrouve aussi sur Facebook, sur l'émission Johnny de A à Z, sur Érigé, pour converser, pour qu'on puisse discuter tout le long de cette émission. Bienvenue toutes et à tous. Appelez encore les copains et les copines s'ils ne sont pas encore présents. Puis parlez-leur aussi de cette émission hein, qui existe depuis 18 ans. Je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup qui ne la connaissent pas. J'en suis sûr. Aujourd'hui, mes premiers mercredis du mois, je vous propose une émission en live. Actualité oblige, on va dire, en quelque sorte. Le 25 octobre sortira le prochain album de Johnny Hallyday intitulé « Johnny comme vous ne l'avez jamais entendu ». Et donc, l'idée est de vous offrir toutes les versions symphoniques que Johnny a pu interpréter entre-temps, durant toutes ces années, ce soir, sur l'antenne de Érigé. Il y en a à peu près pour un peu plus d'une heure. Et après, la seconde partie sera rock. Et évidemment, actualité oblige, vu on ne connaît pas encore le contenu du coffret Olympia qui va se présenter en principe pour décembre. Et bien, la deuxième partie, ce sera à l'Olympia, mais version rock. Si on parlait tout de suite de l'album qui va sortir le 25 octobre, qui va sortir en plusieurs versions, version CD, version vinyle or et gris, je crois. Après, il y aura une version noire et une version bleue. Ça, ce sera pour novembre. Si on parlait un peu de ça, Yvan Cassar compte parmi les fidèles de Johnny Hallyday, une collaboration née entre Johnny et le compositeur en 1998, l'année des mythiques concerts au Stade de France. À travers un nouvel album posthume, Johnny, l'album hein, Johnny, hein, qui apparaîtra donc le 25 octobre, l'ancien directeur musical de la star a ainsi souhaité faire redécouvrir sa voix et l'interprète unique qu'il était. L'une des choses qui avait scellé un peu notre entente, c'était ses passages un peu symphoniques à la fin et au milieu du show, raconte Yvan Cassar, séduit par l'idée soumise par la major Universal d'un projet acoustique symphonique. Je me suis dit que c'était l'occasion de revenir à ce que l'on avait fait et de magnifier pour lui rendre hommage à sa voix et à la qualité émotionnelle de ses prestations, ajoute-t-il. L'arrangeur de 52 ans a dès lors replongé quelques années en arrière pour réaliser cet opus à partir de prises de voix originales. En attendant, on va se plonger dans les coulisses de l'enregistrement. On écoute ça tout de suite. De Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. La voix de Johnny a envahi les mythiques studios Air à Londres. Yvan Cassar a passé 3 jours et demi dans la capitale anglaise avec les 70 musiciens et 42 choristes du London Symphony Orchestra, ensemble faisant partie de l'élite européenne. Luc luxe du studio, c'est d'aller vraiment au plus profond de la voix. On est en prise directe. On travaille sur le son, sur les détails, ce qu'on peut pas faire quand on est dans un stade. On crée un écrin. C'est ça que je trouve vraiment joli, c'est de revenir. Je me replonge dans mes souvenirs et de mon histoire avec lui. C'est une version parfaite dans l'idée qu'on en avait tous les deux. C'est un album qui est partagé entre ce que m'a donné Universal, entre des choses de studio, des versions inédites de voix de studio que je trouvais magnifiques, et des voix de live, détaille Yvan Cassar. Toutes les chansons qui sont sur cet album sont des chansons que j'ai faites avec lui, arrangées pour lui, dont j'ai parlé avec lui, insiste-t-il encore. Je trouvais cela très beau, sur quelques chansons, d'avoir plein de manières de l'entendre chanter, explique Yvan Cassar, qui assure que l'album comprendra des enregistrements vocaux inédits de la star. L'histoire de cet album, c'était vraiment une histoire de patrimoine. On essaye très modestement d'être dans l'héritage et de lui rendre hommage. Et ce nouvel album rassemblera des très grands succès du Taulier, réenregistrés avec sa voix d'origine et de nouveaux arrangements symphoniques ou acoustiques. Et le disque comptera 12 titres, Vivre pour le meilleur, Non, je ne regrette rien, Quelque chose de Tennessee, M'arrêter là, Le chanteur abandonné, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t'aime, 100%, L'envie. Et le titre qu'on va... à présent, écoutez sur le thème de RIG, oui, c'est le titre Diego libre dans sa tête. Un titre qui a fuité en début de semaine, qui est apparu sur YouTube par la filiale Vevo et qui a été aussitôt retiré, Universal menaçant de poursuite pour les droits d'auteur. On écoute ça de suite parce que ça a été diffusé sur RTL aujourd'hui, du moins un extrait. Et bien sur RIG, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vous met l'intégralité du morceau. Quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, oui, dehors il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. L'exclusivité de RIG, voici Diego libre dans sa tête, la nouvelle version de titre du Johnny Hallyday. Et faut dire aussi, faut rajouter que c'est la voix du Parc des Princes 2003, hein, et non pas, comme peut dire RTL, du SDF 98. Du tout. Parc des Princes 2003. Je peux vous l'assurer. Allez, on attaque tout de suite avec Johnny Symphonique en live pendant un peu plus d'une heure. Puis après, on retrouvera en seconde partie Johnny Rock à l'Olympia. Voici tout de suite l'introduction du Stade de France 1998. Ah ouais. Introduction symphonique suivie après du Que je t'aime, ce que je sais, l'envie est sur ma vie. Ta bouche. Mais jamais non, personne ne le sait pour moi. sait. Ouais. Je le sais. Maintenant. Vous écoutez RIG et je vous diffuse les titres que Johnny a pu chanter en live. Il a chanté tout ça en live et là nous sommes au Stade de France 1998. Version symphonique, c'était le 11 septembre 1998.

Je vais vous parler tout à l'heure de la version, de la nouvelle version de Diego Libre dans sa tête, qui figurera sur l'album symphonique. On a écouté tout à l'heure la nouvelle mouture, on va dire. Et j'avais dit que ça provenait du Parc des Princes 2003. Voici la version du live Parc des Princes 2003. Vous pourrez refaire des comparatifs après l'émission pour le podcast. C'est une chanson que vous connaissez bien. J'aimerais vous l'entendre chanter. Et les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, et les gens qui courent après l'amour et qui le fuient,

Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de sa dune? J'aurais bien aimé toucher du sable, une seule fois, entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans la rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et des oiseaux. Allons. Ne vous moquez pas de moi. Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'affirmer que cela a vraiment existé? Ah, dites-moi, alors ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Comment c'est vrai? Le sable était blanc. Comment c'est vrai? J'achève cette première partie de Johnny Hallyday symphonique avec toutes les versions que Johnny a pu chanter lors de ses différents concerts avec un orchestre symphonique. Et d'ici quelques secondes, on va retrouver la seconde partie qui va regrouper quelques titres rock, mais pas n'importe lesquels, titres rock pendant ses passages à l'Olympia, vu qu'un coffret devrait bientôt voir le jour, espérons-le, d'ici décembre. Voici présent maintenant à l'Olympia en 1962 et le titre Samedi soir. Rock sur RG. Si la semaine est faite pour travailler, sans relever la tête de son métier, en se fait-il la fête, la joie est là, la joie est là, à la pensée du samedi soir, qu'on attend en plein d'espoir, que l'on attend en samedi soir, que l'on veut. Le samedi soir, c'était perdument de vie. Sa ville le soir, oui, samedi soir. Enlacé sans rien dire, délivré samedi soir. Les enfants des coins noirs sont amants le samedi soir. C'était perdument de vie. Samedi soir, on discute et l'on fait le prix. On s'enflamme, on s'amuse et rit. Et sa vie, sa rémue et sa chaud. Et l'on danse. Sa joie et l'on chante en claquant les doigts et sa vie se remue et sa chaude. Oh, n'oublie tout. Et maintenant qu'on s'habille, et comme un fou, on va chercher sa fille et ses copains. Et ses copains au rendez-vous du samedi soir. Qu'on attend plein d'espoir. Qu'on attend samedi soir. Que l'on veut pour pouvoir être heureux le samedi soir. C'était perdu le monde de vie. Samedi soir, oui, samedi soir. Enlacé sans rien dire. Samedi soir, les enfants des coins noirs chantent à mort le samedi soir. Tout est permis, le monde vit sa vie le samedi soir. Ouais, on discute et on fait du bruit, on s'enflamme, on s'amuse et rit. Et sa vie, ça remue et ça chauffe. Et l'on danse en se tenant sa joie, et l'on chante en claquant les doigts. Et sa vie, ça remue et ça chauffe. Samedi soir, samedi soir. Qu'est-ce que vous faites samedi soir? Vous twistez? Samedi soir, je termine le monde de vie. Ça la vie, le samedi soir. Maintenant, Olympia 1964. On aura Olympia 65, 66, 72, non 73, pardon, et l'an 2000, bien entendu. Il y a encore une pièce manquante. Olympia 61, Olympia 73, non 72, pardon, cette fois-ci. Qu'est-ce que nous réserve ce petit coffret? Les guitares jules, ça commence à chauffer. Oui, encore plus fort. Les guitares jules, le surf, on va danser. Oui, encore plus fort, jouer. Encore plus fort, jouer. Encore plus fort. Les guitares jules, mon cœur vient en serrer. Mon rêve est fou, dans un surf pas dansé. Les guitares jouent sur un surf paternal. Oui, encore plus fort. Les guitares jouent et mon cœur a pas mal. Oui, encore plus fort, jouer. Encore plus fort, jouer. Encore plus fort, jouer à fond. J'ai envie de hurler. L'amour au fond, ça ne peut pas durer. Jouer.

est temps de passer à Johnny Hallyday en 1973. Ah voilà, vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et la deuxième partie que vous êtes en train d'écouter, ce sont les Olympias de Johnny Hallyday. Version rock après la version symphonique. Olympia 73. milieu des vagues, afin d'user les membres, tu le vas. Si tu veux choisir, si tu veux le goûter, il te sourit en franchant la vallée. N'est pas très loin, ça ne te coûte rien, il suffit d'oublier ce que je sais. Déchire tes papiers, brûle tes vêtements et tes souliers. Prends tes bras et tu retrouveras le torrent de la vie qui coule en toi. Hey! À l'Olympia en l'an 2000. On faut rappeler que Johnny Hallyday s'y est produit plus de 266 fois à l'Olympia. La dernière fois, c'était en 2006. On renoue un jour les vidéos, la bande son. Voici deux étrangers. Notre amour. Et l'orage à tempête. Oui, on s'est perdu. Et après ton amour, puis il y a pour ton deux jours, il ne reste que des étrangers. Des étrangers. Ah, de briser nos cœurs. Yeah. restera ça. C'est une longue nuit qui t'attend. Une nuit sale à en venir. Ici, tu n'es qu'un perdant. Oui, tu vois ce que je veux dire. Toujours Érigé, la radio de Dieu a aidé le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Live sur Érigé. Et toujours Dieu a aidé à l'Olympia 2000. je veux. Well, it's one for the money, two for the show. I don't get it ready now. Don't catch over time. Tell them I believe they kill you. Well, you can do the thing, but I believe they do. Well, you can knock me down, step in my face, my name on the wall of place. Tell them the thing, when I do, I'm the half of my season, doctor. Tell them I believe they do. Let's fight it! allez, allez, allez. Just come close to me and shake it now. Oh. Yes. Oh, baby. Come on, do it to me. Yes. Oh, that's... Come on, shake it. Come on, shake it. Shake it, baby. Shake it. Shake it. Shake it. De cette émission Johnny de A à Z en live, première partie live symphonique, tous les concerts de Johnny Hallyday où il y avait un orchestre symphonique bien entendu, et après seconde partie c'était rock, live rock avec les Olympias de Johnny Hallyday. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, tous ensemble, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, grosse bise les filles, grosse poignée les gars, à bientôt, ciao ciao.